Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous cette petite exhortation parce que l'heure est très avancée, frère. Très, très, très avancée. Jésus-Christ a dit que ça va se passer comme au temps de Noé, n'est-ce pas, au temps de Lot. C'est-à-dire que les hommes ne se doutaient de rien, alors que Dieu était déjà dans son plan. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au ciel, ça bouge au ciel aujourd'hui parce que Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ a dit, moi je m'en vais chez mon Père, vous préparez une demeure. C'est-à-dire que ça bouge, ça travaille là-bas parce que Christ Jésus, bientôt, va enlever son épouse, comme vous le savez. Frère, je vais lire un passage dans l'évangile de Jean que vous connaissez très bien. Dans l'évangile de Jean, il s'agit de, gloire à Dieu, Jean chapitre 26. Jésus a multiplié les pains, le poisson. Les hommes ont mangé. D'accord? Rassasiés. La Bible dit qu'ils étaient rassasiés. Et qu'est-ce qui va se passer? Partout où allait Jésus, ces gens-là suivaient Jésus partout. Et Jésus qui connaît les motivations, le but, Jésus qui connaît la profondeur de tes pensées, on ne peut pas le tromper. Parce qu'il sait ce qui est au-dedans de toi. Il sait pourquoi tu crois en lui. Il sait pourquoi tu le suis. Il sait pourquoi tu vas à l'église. Il sait pourquoi tu pries. On ne peut pas le tromper. Parce qu'il connaît la profondeur de nos pensées. Jésus dit, vous me suivez parce que vous avez mangé, évangile de Jean chapitre 6. Vous avez mangé du pain, du poisson, c'est pour ça que vous me suivez. Je le sais. Mais moi je vous dis, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que Dieu, le Père, alléluia, a marqué de son sceau. Vous êtes dans les églises, tu pries chez toi. Je sais pourquoi tu pries. Je sais pourquoi tu es venu vers moi. Pour la nourriture qui périsse, tu es venu vers moi pour les choses du monde, tu es venu vers moi pour la richesse du monde, tu es venu vers moi pour les biens du monde. Ne me suivez pas pour les choses qui périssent, suivez-moi pour les choses éternelles, les choses de la vie éternelle. C'est l'exhortation que Jésus donne. Il est devant une foule. Il dit, je sais que beaucoup là, parce que vous avez mangé le pain, vous avez mangé le poisson, c'est pour ça que vous me suivez. Vous me suivez parce que vous avez mangé. Vous me suivez pour les choses du monde. Tu me suis parce que tu veux juste un enfant, c'est tout. Tu me suis parce que tu veux juste un boulot, c'est tout. Tu me suis parce que tu veux juste que tes affaires marchent, c'est tout. Tu me suis parce que tu veux te marier, c'est tout. Mais ça, c'est les choses qui périssent. Parce que ces choses ne sont pas éternelles. Un jour, tu vas mourir, tu seras dans un cercueil, tu n'amèneras rien. Venez vers moi pour les choses de la vie éternelle. Venez pour ça. C'est ce que Jésus nous dit. Et c'est ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Frère, je vais lire dans Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Le diable. Qui ils? Les enfants de Dieu. Pourquoi? Comment? À cause par la parole de leur témoignage, ils témoignaient la parole de Dieu. Ils parlaient parole de Dieu. Ils s'appuyaient sur ce que la Bible dit. Et la Bible, et il est écrit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Leur vie, leur propre vie n'avait pas d'importance. Ils n'ont pas aimé leur vie. Même si tu as une arme, tu lui dis, blasphème Jésus, il te dit, tire, j'ai pas peur de mourir. Ils n'ont pas aimé leur vie. Leur vie n'attachait pas trop d'importance à leur vie. Ils avaient le regard sur le royaume de Dieu. Ils avaient le regard. Qu'est-ce que vous croyez? Un garçon comme Paul, célibataire, sans enfant, rien du tout. Et cet homme se réjouit, il danse pour le Seigneur et il a les regards au ciel. Il dit, ces choses sont devenues pour moi de la boue. Des choses, j'ai attaché de l'importance à ces choses. Mais aujourd'hui, je les vois comme de la boue. Parce qu'il y a le regard de l'autre côté. Oui, mon frère, ta femme que tu aimes là restera un jour. Tu ne l'amèneras pas dans le cercueil. Oui, ma soeur, cet homme que tu adores, excuse-moi du terme, un jour tu partiras, il restera et il sera dans les bras d'une autre femme. N'attache pas d'importance à ça. N'aie pas de cauchemar la nuit pour ça. Vanité de vanité. Ceux qui ont vaincu le diable, ce sont ceux qui voient les choses de la terre comme de la boue. Parce que là où est ton trésor sera ton cœur. Le diable t'observe. Là où il voit que tu t'attaches le plus, c'est là qu'il va mettre le doigt. Comme Jésus est parti dans le désert pour un jeûne de 40 jours, le diable l'observait. Satan a dit, celui-là, ça fait 40 jours. Je n'ai même pas vu boire l'eau. Je n'ai pas vu manger. Je suis sûr que pour que ça marche, il faut que je passe par la nourriture. Il doit avoir faim. Il a faim. Il a faim. Je n'ai pas vu manger quand même. C'est énorme. C'est sûr qu'il a soif. C'est sûr qu'il a faim. Il faut que je passe par ça. Pour en avoir. Mon frère, tu as faim de quoi aujourd'hui? Tu as faim d'une femme. Tu as faim d'un boulot. Tu as faim d'une guérison. Tu as faim de quoi, ma soeur? Satan sait de quoi tu as faim. Satan sait. C'est là qu'il va venir. La Bible dit c'est un rusé. Elle a 30 ans. Elle travaille. Elle est fonctionnaire. Elle travaille dans une entreprise. Elle travaille dans un ministère. À 30 ans, je sais que là, dans son cœur, là, son besoin doit être un mari. Je vais passer par là. Je vais lui coller un faux. Je vais lui coller quelqu'un qui va lui faire ça dur. Ce jeune homme-là, il veut sûrement se marier. Je vais amener une belle femme, mais qui a un cœur noir, un cœur méchant. Cette femme-là prie. Elle veut avoir un enfant. Je vais la conduire vers les marabouts. Elle est prête à tout pour un enfant. Ok, ça marche. Comme elle attache de l'importance à ça, je l'amène. Je vais amener ma servante-là, sa meilleure copine. Pour que sa meilleure copine lui dise, va chez tel marabout. Je vais passer par Satan, qui est sorcière là. Pour que Satan lui dise, viens me trouver au village. On va te laver le corps. Je suis dans le désert. Tranquille, il prie, il fait son jeu. Le diable est là. Il passe son temps à nous regarder. Il passe son temps à nous regarder. Il n'a que ça à faire. Parce qu'il va bientôt en enfer. Et la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il est venu faire la guerre aux personnes qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Je vais lire la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Gloire à Dieu. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Malheur à la terre. Au verset 17, et le diable fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan te fait la guerre, toi qui crois en Jésus. C'est la Bible qui le dit. Tu es en guerre, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui te déteste, un esprit invisible. Il calcule tout ce que tu fais. Il observe ta vie. Il cherche une faille par où passer pour casser ta foi. Nous sommes sauvés par la foi. Attention, tout homme est sauvé par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Il faut que tu comprennes que les attaques que tu subis ont un seul but, te faire perdre la foi. Satan calcule ta foi. Satan calcule ta foi. Parce qu'un incrédule est déjà fini, est déjà dans sa poche. Dans sa poche. Les attaques que tu subis là, le diable détruit ta foi. Le diable que tu dis, ah j'en ai marre, j'ai prié, je ne vois rien. Je laisse tomber. Comme s'il me dit, voilà une âme gagnée, je ne serai pas seul dans le lac de feu, je serai avec celui-là. C'est pourquoi tu es attaqué par les maladies. Le diable veut que tu perdes ta foi. Que tu rejettes Jésus-Christ. C'est ce qu'il cherche. Parce qu'il sait que c'est Jésus seul qui est le salut. Il sait que quiconque se détourne de lui est perdu pour l'éternité. Il le sait. Les attaques que tu subis là, tu pries, tu vas arriver, tu adores le Seigneur, tu donnes la dîme, mais le travail, tu ne trouves pas. Ces attaques ont un seul but. Que tu perds la foi, que tu ne sois pas sauvé, que tu ailles en enfer. L'apôtre Paul a dit au diable, c'est chaud, oui, avait de l'importance pour moi, aujourd'hui, je les vois comme de la boue. Regardez, Jésus fait son jeûne de 40 jours. Le diable vient le trouver. Si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, regarde la gloire de la terre, regarde les richesses, je te les donne. Mais Jésus sait que la Bible déclare que les cieux et la terre aujourd'hui passeront par le feu. Jésus sait que tout ce que tu me montres là va être brûlé. Gloire à Dieu. Et c'est l'enseignement que Jésus nous donne. Mon frère, ma soeur, le monde là, ça va être un brasier. Dieu va le détruire par le feu, comme il a détruit le monde avant par l'eau au temps de Noé. C'est ce que la Bible dit. Ne te tracasse pas pour les choses de la terre. Reste, accroche-toi à Jésus. Tu ne connais même pas ton jour. Tu sais que tu vas mourir quand? Il faut t'attacher aux choses du royaume de ton Père. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Dieu n'est pas ici. Dieu n'habite pas ici. Il habite dans les cieux. Tu es citoyen des cieux. Ton pays, c'est le royaume de Dieu. Ton pays, c'est là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes étrangers et voyageurs. Sur la terre, on ne fait que passer. On ne fait que passer sur la terre pour aller chez nous. Chez nous, c'est le royaume de notre Père. C'est là-bas que Jésus t'a préparé une maison. Chez toi, c'est là-bas. Tu es étranger ici. Chez toi, c'est là-bas. Où ton Père t'attend. Avec le sourire, dans la joie. Sur terre, tu ne fais que passer. On est de passage. Sur terre, on est de passage. Si les païens qui ne croient pas en Dieu, eux s'attachent aux choses de la terre, aux choses qui périssent, nous, on ne croit pas les cieux. La Bible dit que ce serait comme au temps de Noé. Les gens construisaient leurs maisons, planifiaient leurs voyages, leurs entreprises, ils faisaient des fêtes, ils ne se doutaient de rien quand le déluge est arrivé. Le monde aujourd'hui est habité par deux catégories de personnes. Ceux qui disent Dieu n'existe pas et qui sont déjà pour la perdition et qui seront surpris par le feu. Et les croyants, le croyant, c'est lui. Lui sait que je ne suis que de passage. Chez moi, c'est le royaume de Dieu. Mon papa est là-bas. Mon pays, c'est le royaume de Dieu. Sur terre, je ne suis que de passage. Comment voulez-vous, Satan ne peut pas arrêter une telle personne. Le diable va t'arrêter par quoi? Parce qu'il sait que les choses ici, tu n'attaches pas de l'importance pour ça. C'est pourquoi le diable peut dire à Jésus, regarde les richesses, la gloire, je te les donne. Mais Jésus n'est pas venu sur terre pour de la boue, pour la poubelle. Les richesses de la terre, c'est la poubelle, c'est la pourriture. C'est pourquoi Jésus est resté debout. Un garçon comme l'apôtre Paul, il dit, moi, Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Ces choses avaient de l'importance pour moi, oui, mais aujourd'hui, je les vois comme de la boue. Je n'ai pas un enfant, ce n'est pas grave. Je suis célibataire, ce n'est pas grave. Quand je meurs aujourd'hui ou demain, ce n'est pas grave. Mon Père est avec moi. Tu es étranger ici, mon frère. Tu n'es que de passage. Je ne te dis pas de ne pas construire des maisons. Je ne te dis pas de ne pas faire des entreprises. Je ne te dis pas de ne pas aller à l'école. Je ne te dis pas de ne pas te marier. Mais il faut que tu mettes bien dans la tête que tu n'es que de passage. Et il y a quelqu'un qui te fait la guerre. Apocalypse 12, il te fait la guerre parce que tu as osé croire en Jésus. Il n'accepte pas ça. Et il fera tout pour t'arrêter. Et pour t'arrêter, il va t'attaquer par les choses de la vie. Satan sait, cette parole qui dit, là où est ton cœur, sera ton trésor. Là où est ton trésor, sera ton cœur. Si ton trésor, c'est ta femme chérie là, c'est elle que le diable va venir monter contre toi. Pour casser ta voix. Ma soeur, ton mari que tu adores, excuse-moi du terme, Satan va le manipuler pour qu'il découche les femmes dehors. Le but, c'est que tu perds ta foi. Et parfois, ça marche. Je connais une femme au Gabon. Elle aimait beaucoup le Seigneur. On était ensemble tout le temps. Et puis, à un moment donné, à cette fin d'église, elle donnait des bouts de papier aux gens. Frère, elle avait donné, frère, bout de papier, bout de papier. Je reviens le bout de papier. Sujet de prière. Mon mari découche. Priez pour moi. On a commencé chacun à prier chez lui. Et quand le diable a vu que, ah, manipulé. Le monsieur ne continuait qu'à découcher et la soeur a pensé que oh, Dieu ne veut pas intervenir pour elle et comme elle aime son mari, elle a abandonné l'église. Le diable a eu par un homme. Mon frère, ma soeur, le diable va t'avoir par quoi? C'est ma question. Tu attaches de l'importance à quoi là? Parce que c'est là que l'ennemi va toucher pour t'avoir. Pour avoir cette femme, il a utilisé son mari. Satan sait sur quoi tu t'appuies. Le diable sait dans ta vie. Regardez ce qu'il a dit pour le cas de Job. Il a dit à Dieu, oui, mais c'est normal que Dieu, Job t'adore. Regarde les richesses qu'il a. C'est normal, tu l'as béni. Si je touche à ça, tu vas voir Job là, va te le renier. Job là, bah, il te loue là, il dit alléluia, alléluia. Parce que tu l'as béni. Permets-moi de détruire ses richesses et tu verras que Job là ne va plus t'adorer. Parce que c'est ce qui va t'arriver. L'ennemi va toucher sur ce quoi tu attaches ton cœur. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu resteras debout? Est-ce que tu vas dire comme Job, nul, je suis sorti du ventre de ma mère. Nul, je partirai. Je n'amènerai rien dans le cercueil. La Bible dit dans Apocalypse 12, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie, ceux qui ont vaincu Satan. Leur vie n'avait pas d'importance. Et quand tu arrives à cette dimension, Satan dit, alors là, il est différent des autres. Celui-là, je ne peux pas l'avoir. Parce que pour avoir le cœur de l'homme, moi je passe par les choses de la terre, et lui voit maintenant les choses de la terre comme de la boue. Je n'ai pas fait d'enfant. C'est pas grave. Seigneur, à toi la gloire. Je n'ai pas de travail. Dieu pourvoira. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu finira par retrouver un boulot. Ce n'est pas pour ça que je vais abandonner. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes que Dieu n'aime pas le paresseux. Donc il finira par retrouver le boulot. Je vais attendre. Dieu est au contrôle. Dieu contrôle tout. Je n'arrive pas à me marier. Ce n'est pas grave. Dieu pourvoira. Que le mari vienne ou pas, moi c'est le royaume de Dieu. C'est ce que tu dois dire au diable. Quand le diable te dit, regarde, tu prends de l'âge, quand tu vas regarder le miroir, Satan te dit, tu as maintenant les cheveux blancs. Dis-lui, je m'en fous. Je suis étranger sur la terre. Je ne suis que de passage. Chez moi, c'est le royaume de Dieu. Mon papa est là-bas. C'est chez moi, là-bas. Là-bas, je vais faire la fête. Là-bas, je vais vivre comme je veux. Il faut répondre au diable quand il te parle des pensées. Regarde les hommes. Vous avez fait le sein d'eux ensemble. Ils ont déjà construit des maisons. Oui, mais ils ont déjà construit des maisons. Moi, je connais quelqu'un. Je préfère même pas dire son nom. Franchement, la façon dont il construisait sa maison, même les week-ends, il donnait un coup de main aux personnes au chef de chantier qui était chargé de construire sa maison. Il n'a même pas fait 2 mois dedans, il est mort par accident. Aujourd'hui, n'importe qui dort dans la maison. Alors qu'il a fait ça. Il a fait ça pour construire cette maison. Vanité des vanités. Ton mari là, le cœur bat parce qu'il n'est pas encore rentré, tu regardes l'heure. Ma soeur, tu connais ton jour. Tu connais ton jour. L'homme restera demain dans les bras d'une autre femme. Vanité des vanités. Jésus seul ne va jamais te décevoir. Les hommes vont te décevoir, les femmes vont te décevoir. Jésus seul ne va jamais te décevoir. Tu as tout à gagner avec Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui t'applaudissent, mais demain, après demain, tu verras, ils vont te tourner le dos. Les gens qui te donnent les honneurs aujourd'hui, la gloire, c'est les mêmes personnes qui vont te dénigrer demain. L'homme est comme un savon dans l'eau, un savon. Il glisse. Demain, il va se retourner contre toi. Aujourd'hui, il profite de toi parce que tu as les moyens. Mais quand demain, tu seras dans la dèche, il va te tourner le dos. Jésus seul est une valeur sûre. Jésus-Christ de Nazareth est avec toi sans intérêt. Il est avec toi par amour. Et c'est pourquoi il s'est sacrifié, parce qu'il savait que tu ne pouvais pas aller au royaume de Dieu de toi-même, parce que l'homme est lié dans le péché. Et que tu pouvais être sauvé que par une grâce. C'est pourquoi il accepte de venir souffrir à cause de tes péchés, pour que le salut te soit accordé gratuitement. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. temps du temps de la fin. Et vous savez très bien, comme Jésus le dit dans Matthieu 24, l'arme que le diable va utiliser dans les temps de la fin, l'arme, je dis bien l'arme, c'est le phénomène de faux prophètes, des faux hommes de Dieu. Si on recule en arrière de 30-40 ans, il n'y avait pas des églises comme des champignons qui poussaient partout dans nos quartiers. Il n'y avait pas ça. Satan sait que l'heure est très avancée. Satan sait que le Saint-Esprit est en train de terminer son œuvre. Le Saint-Esprit va bientôt partir. Le diable tremble, il a dit, alors là, l'heure est avancée, attends, il faut que j'envoie les faux hommes de Dieu. Quel est le but? C'est pour brouiller les pistes. Brouiller les pistes. Vous vous souvenez de Moïse en Égypte? Dieu fait des miracles par Moïse. Les marabouts et les sorciers de Pharaon font les miracles par Satan. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Dans l'église, Satan a envoyé des loups. Il a donné le pouvoir, comme en Égypte, de faire aussi des miracles pour semer la confusion, pour brouiller les pistes. Parce que quand l'homme charnel verra, mais lui aussi s'appelle pasteur, lui aussi pasteur, il va se dire, mais qui est le vrai pasteur? Et Satan, pour séduire, qu'est-ce qu'il fait? Il met le paquet. Il pousse, il donne la puissance à ses agents d'opérer des miracles. Jésus a dit, ils feront des prodiges et des miracles. Les faux serviteurs de Dieu, ils le feront. Et ce que Jésus dit arrive toujours. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils font les miracles. Mais c'est Satan qui est derrière ces miracles-là pour égarer un plus grand nombre de personnes. L'égarement. Quel est l'avantage? Le faux homme de Dieu gagne quoi dans l'affaire? Il gagne l'argent et le succès. Les honneurs. C'est le grand général. Il gagne les honneurs et l'argent. Regardez comment ils vivent dans le luxe. Ils ont le pognon, délivrance, pour telle somme. Tu veux une guérison avant la prière? Une offrande d'abord. Ils se remplissent les poches. Ils sont là pour le pognon. Ils savent, le faux homme de Dieu, il sait que sa puissance ne vient pas de Dieu. Il le sait, puisqu'il est en relation avec un grand marabout. Il le sait. Il sait qu'il n'est pas sauvé. J'ai lu quelque part sur internet, un faux homme de Dieu qui disait, je sais, cet homme disait, je sais que les miracles que je fais, ce n'est pas par Jésus, mais je vais d'abord me remplir les poches pour un temps, ensuite, je vais au vrai Jésus. Au moins, j'aurai construit des maisons, avoir de l'argent dans mes comptes bancaires. Mais j'ai vu ça. Si toi es conscient, il sait que ça, c'est le marabout qui m'a donné ça. C'est pourquoi les gens tombent par terre. Bon, pour un temps, je vais d'abord me remplir les poches. Ensuite, je brûle les fétiches et je demande pardon à Jésus. C'est ce que ce homme a dit. Vous vous rendez compte? Il est conscient. Sur ces fonds-là que vous voyez des grosses chevalières qui font des miracles, les gens tombent en transe. Ils savent très bien que ça ne vient pas de Dieu, ils le savent. Et comme Satan utilise le phénomène des faux hommes de Dieu dans les temps de la fin, comme Jésus le dit, Satan leur donne le pouvoir de faire des miracles. Et comme ils sont là pour de l'argent, ils ne veulent pas de pièces pendant les offrandes, pas de pièces, il faut des billets. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé des bottes. L'offrande, on ne le dépose plus dans un panier. On pose l'offrande à l'estrade. Les gens vont balancer les billets. Parce qu'on doit voir quel billet tu as envoyé. Est-ce que tu as mis 10 euros ou 20 euros ou 50 euros? On doit voir ton billet. Parce que dans le panier, peut-être tu vas mettre une pièce. Et c'est pourquoi ils ont inventé des tas de trucs. Ce sont des musées. Les gens balancent, vous avez des estrades, l'estrade est remplie de billets d'argent. Ces faux serviteurs de Dieu sont là pour l'argent, le pognon. Ils sont là pour l'argent. Tu veux une délivrance? Une offrande de temps. Tu veux toujours une offrande. Tout est payant des commerçants. Ils vendent l'évangile. Ils vendent les miracles que Satan leur donne. Ils les vendent. Parce que aussi, le pouvoir qu'il a, il a acheté auprès d'un marabout. Le marabout n'a pas donné cadeau. C'est pourquoi lui aussi veut récupérer l'argent. Il veut se faire du fric avec ça. Il y a un qui a dit, quand je vais d'abord bien me remplir les poches, après, je vais sortir de ça, je demande pardon à Dieu. Vous vous rendez compte? Donc, bien aimé, je vais lire dans Ésaïe 54. Toi qui es attaqué là, maladie, problème de trouver un boulot, problème d'enfanté, problème de mariage, le couple qui est en train de se diviser, un problème de famille, toi, ou bien tu as des problèmes de papier. Le Seigneur t'a mis dans le cœur d'aller dans un pays, mais on t'embête là-bas pour les papiers. Mon frère, ma soeur, si c'est Dieu qui t'a mis en cœur d'aller dans ce pays, quel que soit, le diable peut gueuler comme il veut, tu auras les papiers. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je veux dire, Ésaïe 54, Dieu te dit, si l'on forme des complots, écoute bien, si l'on forme des complots, les complots contre toi s'étendent. Je peux te dire que beaucoup de complots contre toi se font la nuit, pendant que tu dors. La sorcellerie est à l'œuvre. Ils font des réunions occultes la nuit contre toi. Dieu te dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ce n'est pas Dieu. Parce que Satan a mis un mensonge dans la bouche des gens. Oh, si l'accident lui est arrivé, c'est le destin. Si la maladie, là, c'est le destin. Dieu dit, cela ne vient pas de moi. Quiconque, la Bible dit, quiconque se livrera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Dieu te dit, enfant de Dieu, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu dit, quel que soit les complots, qu'ils soient naturels ou spirituels, quiconque se liguera, se dressera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Il faut que tu comprennes que Dieu t'a donné un pouvoir. Ce pouvoir est où? Jésus en parle dans Luc chapitre 10 au verset 19. Je veux dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as un pouvoir. Avec ce pouvoir, tu vas dominer l'ennemi. Rien ne peut te nuire. La maladie qui t'attaque là, cette maladie a un pouvoir. Mais tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. La Bible dit, Dieu a élevé le nom de Jésus pour que ce nom soit au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, que ce soit au ciel, sur la terre, sous terre. La maladie qui t'attaque, ça a un pouvoir. C'est pourquoi ça arrange ton corps. C'est pourquoi ça te fait mal. Ça a un pouvoir, une puissance. Mais le nom de Jésus a été élevé au-dessus de ce pouvoir-là, afin que par le nom de Jésus, tu brises la puissance de la maladie. Dieu a élevé le nom de Jésus afin que par ce nom, on puisse marcher, détruire tous les autres puissances, autorités, pouvoirs. Le démon de stérilité, ça a une puissance. C'est cette puissance qui t'empêche d'avoir un enfant. Ça a une puissance. Mais le nom de Jésus a été élevé au-dessus de toute puissance. Donc tu peux utiliser le nom de Jésus pour détruire la puissance de la stérilité. Il y a une puissance démoniaque qui te garde dans le chômage. Tu cherches du boulot, ça ne marche pas. Tu déposes des CV, ça ne marche pas. Il y a une puissance démoniaque qui combat contre toi. Mais le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance. Dieu nous a donné le nom de Jésus pour briser cette puissance-là. La Bible dit, mon peuple est périt faute de connaissance. Utilisez la puissance qui vous a été donnée. Dans Jean chapitre 6, Jésus dit, c'est plutôt Luc, excusez-moi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi. Dans Apocalypse 12, la Bible dit, le diable est descendu sur terre en colère et vient livrer la guerre à ceux qui croient en Jésus. Quiconque est en Jésus, Satan te calcule pour t'attaquer là où ça fait mal. Mais Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné le nom qui est au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi va utiliser la puissance de maladie contre toi. Toi, tu as une puissance qui est au-dessus. Il faut l'utiliser pour briser la puissance de la maladie qui t'attaque. Il y a une puissance puissance démoniaque qui peut créer un divorce entre toi et ton mari ou avec ta femme. C'est une puissance qui est en train de travailler pour vous amener au divorce. Mais Jésus t'a donné le nom, son nom, qui est au-dessus de cette puissance-là pour que tu la brises. Ne dormez pas, vous êtes armé. Tout en tant que Dieu, tu es armé, tu as une arme. Le nom de Jésus. Quand tu vas voir le papa pasteur pour qu'il prie pour toi, qu'est-ce que le papa pasteur fait? Il utilise le nom de Jésus. Mais je veux te dire quelque chose. Je te le dis devant Dieu le Père, devant Jésus, devant le Saint-Esprit. Quand le nom de Jésus sort de la bouche du pasteur ou de ta bouche, c'est le même nom. Il n'est pas fort parce qu'il sort de la bouche du pasteur et un peu moyen parce que ça sort de ta bouche. Ça, c'est le raisonnement d'homme. Le nom de Jésus est le nom de Jésus qui sort de la bouche du pasteur ou de ta bouche. Tu ne peux pas te sous-estimer. Il faut que tu saches que devant Dieu, on est tous égaux. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas révérend pasteur, brebis, machin. Dieu nous regarde, il voit des hommes et des femmes sauvés par le sang de son fils. Point barre. Il n'y a pas de celui-là, l'autre, et ça, il n'y a pas de ça. Il faut seulement croire au nom de Jésus. Pourquoi? Comment? Dieu te dit que ce nom-là n'est pas un nom saint. Ce nom-là, il a élevé au-dessus de tous les noms qui existent au ciel, tous les noms qui existent sur la terre, tous les noms qui existent en enfer. Il a élevé. La Bible te dit que ce nom de Jésus, Dieu l'a élevé au-dessus de toute puissance au ciel. Toutes les puissances au ciel. Les anges ont la puissance. Mais Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de toutes les puissances du ciel, toutes les puissances qui sont sur terre, toutes les puissances qui sont en enfer. Il faut croire à ça. À partir du moment où tu crois à ça, tu peux attaquer la puissance de maladie qui t'attaque là. Tu peux attaquer la puissance qui veut créer le divorce dans ton couple. Tu peux attaquer la puissance qui t'empêche de trouver un boulot. Tu peux attaquer cette puissance qui t'empêche d'enfanter. Tu peux l'attaquer par le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. C'est à toi de le faire. Dieu ne viendra pas le faire pour toi. C'est pourquoi Jésus t'a laissé ce nom. C'est pourquoi il t'a laissé le pouvoir pour que tu l'utilises contre l'ennemi. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est-à-dire les démons et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi. Le nom de Jésus te donne la victoire sur toute la puissance, peu importe la puissance que le diable utilise contre toi. C'est toi qui sais quelle puissance il utilise contre toi. Est-ce que c'est une puissance de maladie? Est-ce que c'est une puissance de crainte? Puissance d'alcool, de cigarette. Je ne sais pas la puissance de démon qui est en face de toi là, qui te lie à la cigarette, qui te lie à la débauche, qui te lie au bois de nuit, qui te lie au fétiche. C'est une puissance. Tu essaies de sortir toi-même et tu n'arrives pas. Un pédophile, on le tape à la police, on le libère quelques mois après, il recommence parce qu'il est sous le pouvoir de la puissance qui le domine. C'est une puissance. Tu sais très bien que la cigarette va parfois au cancer, mais tu peux sortir, mais c'est trop fort pour toi. Tu es lié par une puissance. Tu sais très bien que la prostitution, c'est pas bien. Tu veux t'en sortir, mais tu n'arrives pas. C'est une puissance qui te domine. Mais la Bible dit, Dieu t'a donné le nom de Jésus. Dieu l'a élevé au-dessus de toutes les puissances qui existent au ciel, sur terre, afin que par son nom, tu puisses briser toute autre puissance. C'est l'affaire de tout croyant. Ce n'est pas réservé au pasteur. Tout enfant de Dieu a droit à ça. Ça fait partie de notre héritage en Jésus-Christ. C'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en 1988, jamais j'allais voir le nom de Dieu repris pour moi. Non! J'ai compris que tout se passe au nom de Jésus. Parce que le nom de Dieu, quand il va prier pour toi, il va utiliser le nom de Jésus. Toi-même, tu peux l'utiliser. Tu as le droit. Parce que ça fait partie de notre héritage en Christ. Il faut seulement croire que ce nom n'est pas un simple nom, que Dieu a élevé ce nom au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir. Il faut croire que le pouvoir de stérilité qui t'attaque là, que moi j'ai un pouvoir qui est plus que toi, je peux te briser. Je peux t'anéantir parce que j'ai la puissance et un pouvoir qui est plus élevé que ta puissance. C'est pourquoi Dieu dit, par ce nom de Jésus, vous pouvez marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Il n'y a pas une puissance qui t'attaque qui est au-dessus du nom de Jésus. Donc, comprenez très bien ces choses, bien aimé. Gloire à Dieu. Je lis dans l'évangile de Jean au chapitre 6, au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous en avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ne me suivez pas pour les choses de la terre. Ne me suivez pas pour les choses de la terre. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie éternelle. Je ne suis pas venu pour que vous soyez des milliardaires. Je suis venu pour que vous ayez la vie éternelle. Jésus te propose la vie éternelle. Satan vient trouver Jésus dans le désert pour lui proposer les choses de la terre. Satan propose les choses de la terre. Jésus propose les choses de la vie éternelle. À toi de décider. Jésus dit, je peux te bénir. J'ai le pouvoir que tu trouves un travail. Oui, tu peux avoir un enfant, une guérison, oui. Je le fais. Mais ce n'est pas pour ça uniquement. Je ne suis pas venu que pour ça. Je suis venu pour t'apporter quelque chose de plus grand qu'une simple guérison. Alors que Satan, lui, te propose que les choses de la terre, après, il va te détruire par une maladie, par une balle perdue, par un assassinat, par un viol. Par... Et Satan peut nous te pousser de te suicider. Parce que le suicide vient des démons. C'est Satan qui te dit, tu as vu ce que tu as fait. Hein? Tu as vu, franchement, la solution, c'est de mourir. C'est le diable. Quand vous voyez quelqu'un là, il s'est suicidé. C'est Satan qui l'a terrassé, qui l'a conseillé. Le diable lui a dit, c'est la seule solution pour toi. Il faut que tu te suicides parce que là, c'est trop. Regarde-le. Les gens vont se moquer de toi. Les gens, la solution, tu meurs parce qu'après la mort, il n'y a rien après. C'est un menteur. Le diable fait très bien. Après la mort d'un homme hébreu, le livre d'Hébreux, c'est un jugement et tu iras en enfer. C'est le père du mensonge. Bien aimé, je suis en train de vous dire, frère, tout le monde subit des attaques. Tout le monde, mais pas dans le même domaine. Tout enfant de Dieu aujourd'hui subit des attaques, pas dans le même domaine. Mais tout le monde est ciblé parce que le diable connaît les vrais enfants de Dieu. Les païens, ils s'en foutent, ils sont déjà dans sa poche. Mais ils connaissent les vrais enfants. Si tu es vrai enfant de Dieu, tu seras attaqué. Mais il faut que tu comprennes que ces attaques ont un but, que tu abandonnes ta foi. Parce que tu es sauvé, pas par tes œuvres, tu es sauvé par ta foi. C'est cette foi-là que Satan combat par les différentes épreuves qu'il envoie contre toi. Il veut que tu décroches, que tu abandonnes. Mais il faut que toi, tu restes ferme sur ta foi, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. La Bible dans l'Apocalypse, que ceux qui ont vaincu le diable n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Leur propre vie, ils se disaient, je m'en fous, c'est Christ qui compte pour moi. Le mari ne vient pas, c'est pas grave, moi je m'accroche à Christ. La guérison, là, ça fait longtemps que je prie, c'est pas grave, moi j'ai donné ça à Christ. Guérison ou pas guérison, je m'en vais dans le royaume de Dieu. Oh, le diable veut me torturer par ma femme qui menace de divorcer. C'est pas grave, elle part. Moi, je m'attache au Seigneur. Mon mari, là, il veut partir, il fait déjà ses valises. C'est pas grave. Moi, je ne l'ai pas chassé. Moi, je m'accroche à Jésus. C'est Jésus qui est important pour moi, pas les choses de la terre. Mon chef d'entreprise me fait des menaces parce qu'on me voit lire la Bible, parce qu'on me voit prier. C'est pas grave. On m'enlève une soirée, c'est pas grave. Moi, j'attache, je m'accroche à Jésus. Des personnes déterminées. On amène une arme, on lui dit, relis Jésus. Il dit, Jésus, tu es Seigneur. On lui tire dessus, s'en fout. S'il n'y a que Jésus qui compte pour eux, Jésus leur a ouvert les yeux et ils ne voient que le royaume de Dieu. Ils sont des étrangers de passage sur terre. Ils sont conscients. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que chez toi, ce n'est pas ici. Chez toi, c'est le royaume de Dieu. Chez toi, c'est là-bas. La Bible déclare que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. On ne fait que passer. cloche fait aux choses de la terre. Parce que ces choses vont être brûlées. La Bible dit dans l'épître de Pierre que de la même façon que Dieu a détruit le monde avant, au temps de Noé, par l'eau, le monde aujourd'hui va être détruit par le feu. Les personnes que tu construis là vont être dans le feu. Tout ce que tu fais là va être brisé. Je ne te dis pas que construire une maison c'est un péché. Parce que les gens comprennent toujours parfois les choses à l'envers. Je n'ai pas dit qu'aller à l'école c'est un péché, il ne faut pas le faire. Non. Je suis seulement en train de te dire que ces choses doivent être secondaires. La première place doit être le royaume de Dieu. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est tout. Rien d'autre. Donc frère, tout enfant de Dieu aujourd'hui est attaqué. Tu n'es pas le seul ou la seule. Mais Apocalypse dit que parce que tu as reçu Jésus, c'est pourquoi on te livre la guerre. Donc il y a quelqu'un qui regarde dans le monde pendant que tu dors la nuit. Il est là dans la sorcellerie pour te calculer. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.